tes ronds fardeaux, maigrir encore, laisser s'agir ces eaux. My confession. jaillir ses eaux, courir sans cesse, ne jamais se rendre jusqu'à ne plus sentir ses jambes, vomir parce qu'on se fait horreur. Pour ma Bérénice, pour ma Bérénice, elle signe de leurs larmes l'alliance qui les condamne. Étoile isolée, rêvant de pureté, elle file vers le ciel, leur flamme chancelle, triste sacrifice. Face à soi, cracher sur le miroir, et jeûner jusqu'au soir. Elle s'évanouit, on les appelle comme un béret. Thank you. Thank you.